J'écris ma sauna. La vie entière est un long parcours sinueux, mais on s'en sort ça seul si Dieu le veut. Et dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je parle de ma life comme une claque, comme un aveu. Mon avenir était tracé depuis le début. Je suis pas né sous la bonne étoile, Dieu ne m'a pas vu. Pas vu, pas pris sous son aile ou dans ses bras. T'as vu nos vies à croire qu'il n'existe pas. La vie m'a appris à voir qu'il ne nous déteste pas. Cette sonate exprime tout ça. Des fois ça va, d'autres c'est la merde, mais c'est comme ça. Mes outils sont la plume, la haine, les rancunes. Toute ma misère ne se paye pas en thune, ne se paye pas en cash. Fais payer les lâches, elle tâche mon visage, accompagne toutes mes marches. Elle est la base de tout ce que j'envisage. Elle seule écrase l'horizon de mon paysage. Elle est fautive de tout ce qui me désole. Elle seule active la tristesse et le désordre. Mais je la porterai fière, elle est sur mon torse. Créatrice de voix, comme parfois ma vie se corse. De toi je tiens ma force, des taffes de malade. Sur ma sonate, mais que je suis bien, je me balade. Elle fait mal, cousin, comme une aiguille dans le cœur. Mes yeux ne voient plus que ça. J'aime vider mon que ça. Moi, il me manque plus que ça. Ouais, la foi et la salade. Il faut bien vider tout ça. Je le fais bien sur une sonate. Ouais, je rêve de cette chambre avec vue sur la Mecque. Sérénité dans la tête. Toutes ces tentations me jettent. Dans un livre ou dans un jet. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes buts. C'est tout le temps les mêmes poses. Seul un appel à la prière me repose. Ouais, c'est comme ça que je me retrouve. C'est comme ça que je me pose. Compare-moi à la parole de ce sage doyen. La devise s'en sortir dans tous les cas, par tous les moyens. Succession d'armes, succession de drames. Ici pas, on te blâme sans savoir ce qui se trame. C'est dramatique, toute ma vie j'ai vécu ces pratiques intimes. Avec la galère, parcours classique. Mais toutes ces merdes sont mes forces, pas mes faiblesses. Car dans la vie c'est quand on tombe qu'on se relève. Mauvais élève de la vie, toujours au dernier rang. Je balance un texte pour tous ceux qui ont su serrer les rangs. Se rester droit et franc quand la vie t'en met plein les dents. Gardant tous les jours cette force et ce mordant. Une sauna pour cette vie que j'ai vécue. Une sauna pour toutes les misères que j'ai vues. Le destin voulut faire en sorte que je sois en vie. Je ne crois pas à la chance car pour moi tout est écrit. Et ce n'est qu'un défi, mon âme se purifie. Ces termes me terrifient, mais oui je crois au paradis. Je prends tout ce qu'elle me donne, les mauvaises et les bonnes. Expérience font qu'aujourd'hui moi je sois un homme. Que je pardonne, ce qui fait que je résonne. Ce qui fait qu'on est fait, ici plus rien m'étonne. J'écris ma sauna, à quoi je me destine. J'espère la salade, c'est tout ce qui m'abstine. Elle n'est pas faite.